Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr en direct le lundi soir sur l'antenne du 94 MHz Canal B. Émission également écoutable à partir de la plateforme blogesque ou blogistique asile35.blogspot.fr. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux auditeurs à partir du podcast tout frais, tout beau, à partir de PodCloud. On a pas mal d'abonnés nouveaux ces derniers jours, donc on est ravis de vous retrouver pour l'Asile le plus sûr. Et cette semaine, j'ai l'immense joie d'accueillir mon camarade Denis Tagubu. Salut Denis. Salut Philippe. Denis Tagubu, qui est l'ami des hémiptères, voilà, et également des musiques aventureuses et autrement improbables, et qui nous propose un concert la semaine prochaine. Donc ce sera le 5 novembre à Rennes, que tu vas nous présenter tout au long de cette émission. Et donc une soirée avec trois formations. Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est dans 15 jours. C'est le 5 novembre. Et donc, trois formations. C'est samedi en 8. Samedi en 8. Oui, on doit dire ça comme ça, je crois, en Bretagne. Mais enfin bref, c'est le 5 novembre. Oui, donc trois groupes. Donc, Klimperei, Madame Patate et Sacha qui vont faire leur spectacle. Ils ont l'habitude de jouer en concert. Ils étaient en Suisse il n'y a pas longtemps. Il y a Dominique Grimaud qui viendra nous faire un concert à base de sons extraits de Moog. Et puis Toupidec Limonade, donc un groupe, un trio qui s'est transformé en quatuor pour la scène et qui n'a pas joué depuis à peu près 30 ans sur scène. Et qui est le groupe dans lequel tu officies. Exactement, oui. Depuis l'origine. Donc tu vas nous proposer un peu tout ça tout le long de cette émission. Mais je propose de démarrer avec une autre formation qui jouera cette fois-ci. C'est vraiment cette semaine, dimanche 30, je crois que ça tombe ce dimanche-ci, à Rennes, à la Maison de la Grève. Une soirée-concert qui nous permettra de retrouver nos camarades de Jean-Louis, le trio Jean-Louis, Emric Avis, en compagnie de Francesco Pescara. Aldi et de l'excellent contrebassiste dont j'ai oublié le prénom, Joachim Florent. Voilà, donc d'ailleurs c'est des musiciens qui jouent assez régulièrement avec le quatuor Bella qui se produit avec Albert Marker, un groupe que Albert Marker aime beaucoup également, et donc ils joueront Tout ce beau monde ce dimanche 30 octobre à la Maison de la Grève à Rennes en compagnie de Derby. Derby, on va démarrer avec un titre extrait de leur dernier opus qui s'intitulait Uranus, qui était sorti il y a de ça 3 ans aux éditions Quax. On écoute Jean-Louis. Ah, il fallait bien un morceau de ce genre, une belle fanfare assez enfantine pour accueillir notre camarade Denis Tagu dans nos studios ce soir pour parler du concert au bar Le Panama le samedi 5 novembre, donc samedi de la semaine prochaine à Rennes, au 28 rue Bigot de Préaméneux, donc c'est derrière du côté du quartier Sainte-Thérèse, voilà pour ceux qui connaissent le marché Sainte-Thérèse par exemple. Et on écoutait bien évidemment ton groupe Denis, Toupitec. Limonade. Oui, c'est un extrait de, du dernier album, un vinyle qui s'appelle Il y a des vies qui dévient. Et là, je ne sais pas ce que les images que, vous, que tu avais ou que les auditeurs avaient quand ils ont écouté ce morceau, s'ils ont écouté d'une oreille attentive. Mais cet album-là, c'est une sorte d'autobiosonie, comme le définit Jeannot, le compositeur. C'est un album qui retrace toutes les grandes étapes de sa vie ou de la vie de quiconque. Et donc là, on était plutôt dans le début. Ça s'appelle le Manège Enchanté et c'était la période 0-3 ans. Donc là, tu t'imagines couché dans ton berceau, okay, ou dans ton lit, si tu as 3 ans. Et puis en fait, tu vois donc ce qui se passe au-dessus de toi. Donc peut-être un mobile, peut-être des trucs qui pendouillent. Tout d'un coup, un visage qui arrive, une main qui te fait guili-guili. Et c'est ça que voulait représenter cette musique. Ça marche aussi avec la grippe psychédélique de l'automne. Pourquoi ? Non. Ça dépend, parce que oui, tu peux fermer les yeux aussi et te laisser aller, oui. D'accord, donc vous êtes des biotonistes ou des biosonotonistes ? Autobiosonie. Autobio, d'accord. Un truc comme ça, quoi. Tu as une autobiographie par le son. Ok, d'accord. Voilà. Non, pas par la graphie. Et c'est pas, ça n'a rien à voir avec le sonotone non plus. Hein. Ok. J'espère bien. Et donc, il s'agissait de votre dernier opus en date que oui, tu as sorti sur ton propre label Un Polisson, qui existe depuis la fin des années 80 à peu près. Oui, 1989. Et bon, on va faire un peu d'historique, hein, un peu de bio quelque chose, quoi, de votre trio. D'archéosonie. Oui. Voilà, un peu d'archéologie sonore. Alors, donc, Toupidec né vers... Alors, Toupidec est né dans les années, milieu des années 80, un petit peu avant. Voilà, d'une idée que d'un duo avec mon copain Jeannot, là, dont on vient d'écouter un morceau. On sortait d'une expérience musicale, je dirais, post-adolescente, avec d'un groupe progressif, dans lequel on s'est bien éclaté, mais qui était une musique assez sérieuse. Et on avait envie, suite à ça, de partir quelque chose de, vers quelque chose de plus spontané, de plus enluminé. Et donc, on a décidé d'un coup de tête d'essayer de monter un duo, puis un trio avec une chanteuse qui s'appelle Couette à Pieux. Voilà, donc on sait... c'est quoi? C'est influence de Dada, influence de l'enfance, influence de la pataphysique, influence de l'imaginaire, d'Éric Satie. Et en fait, de la spontanéité, pas de règles, pas de barrières. Travail en groupe, on se connaît bien, donc on échange, on accepte ce que font proposent les autres. Voilà, il n'y a pas vraiment une ligne directrice, mais finalement, il y en a une, puisque c'est le fait d'exister qui est notre ligne directrice. Vous avez 6 heures pour composer sur ce thème. D'accord. Et donc, également pas mal de folklore du monde entier, repris à votre sauce, par exemple, des instruments jouets embarqués. Oui, voilà. Donc, c'est vrai qu'en termes d'instruments, c'est des bases, je dirais, de clavier, de basse, de voix, de chant. Mais bien sûr, on s'articule avec plein d'autres types d'objets qui font du son. Et donc, effectivement, on aime bien aussi ce qui est approximatif, ce qui nous évite de jouer correctement. Donc ça nous rassure aussi. Mais dans le côté approximatif, on le trouve aussi dans les sons d'objets qui ne sont pas faits au départ pour faire de la musique. Voilà. Et puis ça rattrape finalement le mouvement qu'on appelle Toy Music, qui a repris ça également. Et donc... vous avez fait 4-5 opus, je ne sais même pas. Oui, ça doit être ça, 1-2-3-4 peut-être, oui. Et avec donc ce même trio, toujours constant, toujours fidèle à lui-même. Voilà, avec des invités de temps en temps. Il y a un album, on a invité des amis sur quelques morceaux, comme Dominique Grimaud, Pierre Bastien, Juicy Panic et d'autres. David Willet, un Américain. Voilà, mais c'est essentiellement à Troyes, oui. Et donc, pour ce concert du 5 novembre, vous serez là, pour le coup, en quatuor. Là, on sera en quatuor, parce que sur scène, il y a besoin d'assurer, donc on a fait venir un vrai musicien avec nous, Bernard Rodeau. Et bah, vous êtes plutôt un groupe qui a enregistré, qui vous produisait. Oui, oui, on a fait très peu de scènes, en fait. On a fait deux concerts dans 84-85. Donc, basta. Hein. C'est un peu comme les résidents, si tu veux. Personne ne sait qui on est, en fait. Tu vois. La dernière fois que vous avez joué ensemble, c'était au Festival de musique de Traverse de Reims, ou vous avez refait après Ouais, c'était dans ces eaux-là, ouais, c'est ça. Oui. C'était, de Saint-Étienne, je veux dire, plutôt ou... Ah non, ça, non, non, non, non. On a joué qu'à Nancy, à Reims, dans ces époques-là, 84-85. On a fait une petite présentation dans une soirée à Paris sur les Frères Jacques. On a fait, avec Dominique Grimaud d'ailleurs, une reprise d'un morceau, la Saint-Médard des Frères Jacques, mais c'était notre seule apparition publique depuis. Ok, ben on va continuer dans cette archéologie sonore avec une séquence qui va permettre de découvrir un peu l'univers du Toupidec Limonade lui-même. Et on commence par Hellebore, donc qui était le premier projet que vous aviez antérieur. Voilà, c'est ce groupe dont je parlais, un peu musique post-progressive, très influencée de Henrico, etc. Sauf que déjà à l'époque, mon copain Jeannot composait des morceaux qui, de mon point de vue... On sentait déjà perler l'esprit de Toupidec, et c'est le cas du morceau que tu vas nous passer. La perle du Toupidec qui était déjà... D'accord, parce qu'autrement c'était assez Zeul hein, quand même comme groupe, hein, on peut dire. Zeul, ouais, on était plus Henrico, Soft Machine, voilà, que Zeul. Mais effectivement c'était quand même, on fait tout par quatre, c'est sérieux et on joue tous ensemble bien quand même. Ok, ben on écoute ce titre qui s'appelle... Introduction végétarienne. We'll be right back. figurez-vous que... C'est moi qui m'énerve, mais l'autre est immonde. Restons calme. Ah, tu m'énerves. Je sens que ça monte. Tu m'énerves. Je sais bien que c'est moi qui m'énerve, mais l'autre est immonde. Restons calme. Tu m'énerves. Je sens que ça monte. Tu m'énerves. Je sais bien. Même quand tu ronges, l'autre est immonde. Par la pensée, tu m'énerves. Je sens que ça monte. Tu m'énerves. Je m'énerve. Moi, tu m'énerves. L'autre est immonde. Il faut rectangle par la pensée. Qu'est-ce que tu m'énerves? Je t'étrangle. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Je vais te transformer en cervelas et je t'expulserai sans coussin d'air. Je te mouline, oh, que je t'assassine, comme une tartine, et les miettes je les envoie en Chine. Joue pas de la harpe avec mes nerfs, mais je m'ouvrirai le cervelet, je vais transformer en cervelas, et je t'expulserai sans coussin d'air. Je te mouline, la pensée, que je t'assassine, comme une tartine, et les miettes je les envoie en Chine. Tu es obtus, ils sont rectangles. Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. On a gueulé. Tiens, une coccinelle se pose sur ton doigt de pied. Elle avance sur ton mollet, puis ton genou, tes cuisses, tes fesses. Elle s'arrête sur ton ventre. Ta poitrine, ton épaule, elle descend le long du bras jusqu'au poignet, t- tes doigts jusqu'au bout des ongles. Tu souffles et elle s'envole. C'est ça le son de la banquise. Oui, c'est le son de la banquise qui va bientôt craquer. Non, là, c'était un morceau plutôt inspiré d'un voyage. Je ne sais plus où c'était, dans les îles Lofoten, où il y avait des phoques qui arrivaient près de la plage dans la mer et qui avaient leur tête qui jaillissait une à une de la mer de manière très curieuse. C'est ça qui a inspiré le morceau à Jeannot. D'accord, voilà. C'est lors d'un de vos voyages. Alors, il était tout seul, j'y étais pas, moi. Il m'avait pas invité. D'accord. Mais à distance, ça t'a quand même beaucoup marqué. Voilà. Donc, une petite quadruplette de titres enchaînés avec tout d'abord la fameuse valse d'Elébor et cette introduction végétale que vous avez jouée en concert donc, pour cette soirée au bar Le Panama le 5 novembre. Puis, on enchaînait avec un titre un peu référencé en ce qui me concerne, « Laissons les Néfertiti ». Voilà. Ouais, ça c'est un titre qui a été produit, j'ai oublié de le préciser, par Étienne Himalaya qui a produit l'album Il y a les buts dans la banquise et plus particulièrement ce morceau dont il a fait un remix pour ensuite un autre album. Voilà. Et donc ça complétait en fait, c'était un bonus de la réédition de Il y a des nuits et des nuits qui était une cassette à l'origine je crois. Oui c'est ça, c'est la première production était une cassette de la grande époque de la cassette, 84. Ouais, vous avez collaboré à pas mal de compilations cassettes ouais, d'ailleurs sur quantité de labels européens. Et on a enchaîné avec le disque de 2007, CD, production CD Impolisson, le vocabulaire. Yeah. Le bien nommé. Focapulaire. Focapulaire. Et puis, évidemment, deux titres qui n'ont pas du tout, ils sont pas du tout partis comme on imaginait. Donc, c'était un peu la magie de la circonstance imprévue. Et on a entendu, pour terminer, un extrait de ce disque. Donc, il y a des bulles dans la banquise qui lui date plutôt... 98, un truc comme ça, je sais plus. D'accord. Non. Ok, on n'entendra pas le calice groenlandais qui était initialement prévu. Voilà donc en hommage au pingouin. Par contre, en concert, il y aura un morceau hommage au Groenland. D'accord, ok. Donc vous avez pas mal, vous avez pioché dans un peu tout le répertoire de Toupidec. Ça va être un pot pourri, quoi. Carrément pourri, ouais, tout à fait, ouais, comme on dit d'habitude. Oui, c'est ça. On a d'abord regardé les morceaux qui étaient jouables par nos pauvres mains et bouches. Qui sont peu habitués à jouer en concert, et puis voilà, des morceaux qui nous donnent du plaisir, et je pense que ça sera c'est assez rigolo sur scène, je pense. D'accord, donc c'est à la fois visuel, et puis vous allez faire péter nos sonotones, donc. Et donc le quatrième membre Oui, Bernard Odo, qui nous a rejoint avec son accordéon et ses bruits électroniques, qui est un copain qui jouait avec nous dans un autre groupe, une autre formation qui s'appelle Look the Book. Voilà. Et t'as invité toute la tribu autour des activités du label Impolisson. Enfin, je pense notamment à Monsieur Petchanats, que nous saluons d'ailleurs, qui nous écoute avec son projet Klimperei. Tu as produit quantité de disques de Monsieur Petchanats Klimperei. Oui, bah c'est voilà. Je peux pas parler de tous les projets, mais on va peut-être parler du projet dont on va passer un extrait, qui est Improvisation with Myself. Qui est un projet de 5 disques, une sorte de carte blanche laissée à Christophe. C'est des albums solo, je pense. Enfin, Christophe me corrigera si je me trompe. Et voilà, l'idée de départ, c'était bien improviser avec soi-même, c'est-à-dire enregistrer une première piste, essayer de l'oublier et de jouer la deuxième piste en réécoutant la première sans savoir trop ce qu'on va faire au départ. Voilà. C'était l'idée de départ. Ensuite, bien sûr, ça a beaucoup évolué. 5 albums qui ont chacun des thèmes avec une grande cohérence. Mais ça m'a bien plu de laisser une carte blanche à Christophe, qui a quand même une capacité créatrice très impressionnante et qui sait... regarder plein de palettes différentes de formations. Il n'est pas fixé sur faire de la toy music avec des pianos désaccordés, mais aussi de la guitare, on en entendra tout à l'heure, des guitares qui font du bruit, du chant, des claviers, et des choses très composées, des choses moins composées, voilà. Et là encore, donc un projet avec une longévité assez exceptionnelle et une jeunesse très très évidente à l'écoute des dernières pièces également. Ça a démarré vers quelle époque? Klimperei? Oui. Je ne sais plus. Le premier album produit par Aya. On est sur le milieu des années 80 ou un peu plus tard peut-être, 90 plutôt, je pense. Ok. Voilà. Avec un des premiers groupes que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Los Paranos. Et d'ailleurs, sur la série des 5 albums Improvisation with Myself, il y a un album autour de ce groupe-là, Los Paranos. D'accord, il y a eu pas mal aussi de rééditions, notamment sur l'excellent label allemand spécialisé sur les musiques un peu gothiques, new wave, Vinyl en demande, qui a réédité aussi des choses de Los Paranos, si je ne m'abuse. Je me suis dit qu'on avait passé peut-être des musiques de circonstance, voilà, pour fêter la Toussaint, donc l'enterrement d'un scarabée par Monsieur Klimperei. Thank you. Vous êtes bien dans l'Asile Obscur sur antenne du 94 MHz, l'émission qui arrive à vous passer à peu près 15 minutes de musique sans parler, et puis après on parle pendant quasiment 10 minutes. Voilà, c'est un peu ça le concept de l'émission. Et ce soir, en compagnie de Monsieur Tagubu pour cette spéciale à l'occasion du concert que vous pourrez voir à Rennes au bar Le Panama du côté de la rue Bigot de Préameneux, avec une partie des musiciens que vous avez pu entendre, ou même tous les musiciens que vous avez pu entendre dans la longue séquence qui précédait, notamment Monsieur Klimperaï en compagnie de Madame Patate et de Sacha Serwon. On vous a passé un extrait d'un titre qui figure sur le Bandcamp de Klimperaï, klimperaï.bandcamp.com, donc des démos en compagnie de cette mystérieuse Sacha Serwon, dont nous ne savons pas grand chose, si ce n'est que donc vous pourrez la découvrir la semaine prochaine, le samedi en 8, et Madame Patate, à l'instant, avec un extrait du 33 tours que tu avais produit, Denis. Oui, éponyme, Madame Patate. Éponyme, oui, c'est ça. Émilie Sioux ou Sioux. Madame Patate. Madame Patate, avec le titre Monster. Voilà, donc un morceau plutôt d'obédience électronique, mais elle produit plutôt des choses aussi un peu dans le registre de ce que peut faire Christophe Pechanatz. Ouais, avec... Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le mélange, je trouve, entre le traitement de l'électronique et de l'acoustique au sens petit bruit, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs, qui ne viennent pas forcément d'instruments, d'objets particuliers. Et c'est vrai que c'est tellement mélangé qu'à la fin, on ne sait plus qui fait quoi. Et en concert, c'est encore plus remarquable. Et la dernière fois qu'on avait pu voir Monsieur Klimperaï, c'était à l'Antipode, et je crois qu'il était en compagnie aussi de David Fenech. Oui, il y avait Madame Patate, il y avait David Fenech, il y avait d'autres personnes dont je ne me souviens plus le nom. D'accord, ok. Désolé. C'était un concert qu'on avait fait pour un anniversaire du label, je ne sais plus, c'était les 15 ans ou okay. Un truc comme ça, oui. Donc on a passé plusieurs titres à suivre, tout d'abord un extrait de Improvisation with Myself de Klimperaï, puis enchaîné avec un disque que moi j'adore depuis qu'il est sorti, donc le disque en compagnie de Franck Pahl, Music for Desserts, que tu avais sorti aussi sur ton label Impolisson, Denis, sorti déjà un petit moment. Oui, en 2001, je regardais sur la pochette, je ne me rappelle plus. Oui. Début des années 2000, dans un disque avec beaucoup de, on pourrait dire, de travail de timbre dans tous les sens. Et c'est ça aussi, quoi. Ce que j'aime bien, c'est ces rencontres là de, c'est débile ce que je vais dire, mais la rencontre entre des musiciens, c'est vrai que ça marche toujours souvent, quoi. C'est chacun explore des zones qu'il n'explore pas seul. Voilà, et dans ce duo là qui était particulièrement réussi, c'était le cas, je trouve. C'est une rencontre que tu avais favorisée, puisque tu avais des contacts, tu sais plus, d'accord, l'origine du disque. Donc Franck Pahl qui joue ou jouait dans un groupe dont j'ai oublié le nom. Alors c'était, c'est pas Only the Mother, c'était ça. Oui, c'est ça, ouais, je crois. Ça, ouais. Groupe américain, oui. Ouais, groupe américain, donc musicien américain, puis pas mal de collaborations de Klimperaï, soit avec lui-même, soit avec d'autres. Et donc, on a prévu de vous passer une séquence où on vous retrouve tous les deux, Klimperaï et Tagubu, puisque tu as aussi une activité sous ton nom, Tagubu, oui. Denis. Mmh. Bah ça, c'est un projet qui n'est pas encore complètement sorti, là. On est en train de travailler encore dessus. C'est un projet qui sort de mes habitudes un petit peu, c'est-à-dire que d'habitude je fais de la musique plutôt enjouée, rigolote, qui se veut pas trop sérieuse. Là pour le coup c'est des chansons déjà, ce sont des textes que j'ai écrits qui sont pas drôles, voilà, sur des réflexions, sur des choses de la vie, que j'ai écrit en anglais, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Ça m'a permis aussi peut-être d'avoir une écriture très simple, parce que mon vocabulaire n'est pas très riche en anglais. Et je ne savais pas trop quoi faire de ces textes-là, et j'ai demandé à Christophe si ça l'intéressait de les mettre en musique, chose qu'il a faite intelligemment. Et donc ensuite, s'est posé la question de qui chanterait les chansons. Donc je m'y suis collé. Christophe m'a dit que ça fonctionnait, donc je l'ai cru et j'ai continué. Et puis ensuite, j'ai enregistré des parties de batterie. La prise de soin a été faite d'ailleurs par Dominique Grimaud et Véronique Villette à la maison. Et puis un pré-mastering qui a été fait par David Fenech. Donc voilà, c'est aussi un projet avec pas mal de copains. Voilà. Et ça donne de la vraie musique pop, sans doute inspirée par tes nombreux voyages au Texas ou quelque chose comme ça. Donc on écoute le titre qui démarre. Je ne sais pas trop quel est le nom de... Moi non plus, parce qu'en fait ils ont des titres, des numéros, et donc je ne sais pas quel numéro c'est. Okay. Mais peu importe. I don't have diesel, I don't have my... I just have skin, I just have heart. I don't have gun and I don't have screw. I hope I have a brain, I hope I have a brain. I dream we are the modern Abel and Cain, with no arms, just two hands, with our arms as an end, with our arms as an end. I dream, I dream, I dream, I dream. We are modern, chairs are for welcoming, chairs are not electric, chairs are just to sit and share time, chairs are just to sit and share friendship and love. Friendship and love. Share and love, share and love. Man's on you. We'll be right back. Vous êtes toujours dans cette spéciale tagubuesque de l'asile le plus sûr, avec une séquence où on a entendu Monsieur Tagubu ici présent dans ce studio. Voilà, qui lève le doigt, il a un bon bec dans la bouche. Non, j'ai avalé. En compagnie de Monsieur Klimperei, donc avec tout d'abord des pièces que tu nous as présentées, qui ont été enchaînées avec un autre projet en compagnie de Christophe Pechanatz, Ostinati. Alors, Ostinati 2. De Ostinati. Donc c'est un projet de Christophe de musique que je qualifierais de musique répétitive. Savante, voilà, dans une musique répétitive savante. Ça me fait beaucoup penser à du Arnold Dreblatt d'ailleurs, comme je te disais, hors antenne. Et donc musique qu'il a enregistrée, disponible sur Bandcamp, qu'il a même joué sur scène lors d'un festival Monster Cassette à Paris où on s'est rencontrés. Et l'envie m'est venue de jouer de la batterie sur ces musiques enregistrées, donc il était d'accord. Et donc c'est pour ça, le Ostinati 2, c'est parce que dessus il y a une batterie un peu à la krautrock, si tu veux. Ok. Voilà. Mais effectivement, ouais, ça jouait presque comme Monsieur Zappi d'Irmeyer. En moins bien. Et on a terminé avec Klimperei en compagnie de notre ami Dominique Grimaud, que nous saluons d'ailleurs. Alors lui, il écoute souvent l'émission en différé, parce que Wazem, c'est quand même loin. Voilà. Et donc, il s'agissait du disque qui était sorti, il y a de ça quelques années déjà, Klimperei et Grimaud radiolaire sur Acid Sox Music. Et Dominique Grimaud, qu'on entend chaque semaine dans les îles les plus sûres pour son générique Telstar, qui démarre l'émission depuis quasiment ses débuts, depuis donc 13 ans maintenant, hein. Et Grimaud, que tu as produit aussi en compagnie de Pierre Bastien, par exemple. Deux albums sont sortis sur étiquette Impolisson. Mm-hmm. Et donc tu vas sortir bientôt un disque de Monsieur Grimaud, je crois. Oui, enfin en duo avec Véronique Villet. Donc oui, la genèse du disque, j'aime bien raconter, parce que j'aime bien expliquer comment l'acte de création rentre dans du concret. C'est pas forcément un truc qu'on attend bouche bée. Tout simplement, un jour, en lui rendant visite chez lui, comme je suis bien élevé, je lui ai amené un cadeau. Ok. Et ce cadeau était un livre sur des îles, un beau livre sur les îles. Or, je ne savais pas que Dominique était un fan des îles. Bah, son fils s'appelle Robinson, effectivement. Voilà. Mais moi, si tu veux, j'avais pas eu ce raisonnement-là, tu vois. Et donc, suite à ça, pas immédiatement, bien sûr, mais suite à ça, il m'a proposé de faire un album sur les îles. Et donc, l'album va s'appeler Îles, au pluriel, en duo, guitare, percussion. Avec Véronique, donc, qui fait la batterie et les aiguilles à tricoter. Et donc là, tu nous as ramené le test pressing de ce qui va sortir sans doute début 2017 ou... Voilà, le temps qu'il y ait du retard. Okay, on écoute le démarrage de ce test pressing, et Dominique Grimaud et Véronique Villet, vous pourrez bien évidemment les retrouver pour cette soirée au bar Le Panama, samedi en 8, le 5 novembre à Rennes. contact after 3 minutes, 30 secondes. Très peuplé à l'intérieur, comme aurait dit, je ne sais pas. Et donc avec tout d'abord le duo A entre Véronique Villette et Dominique Grimaud, avec un extrait de leur disque aux éditions Bambalam, qui suivait donc le test pressing que tu nous as ramené de la future production, donc Un Polisson, Dominique Grimaud et Véronique Villette. Et Dominique Grimaud sera seul donc pour cette soirée ce concert au Panama. Oui, avec des sons Moog passés par des multitudes de pédales. D'accord. Donc tout ça, c'est samedi 5 novembre, en prix libre, au bar Le Panama. Donc c'est derrière la gare, du côté du quartier Sainte-Thérèse, à Rennes, rue Bigot de Préaméneux. On peut aussi rappeler peut-être l'adresse du site internet d'Un Polisson. Oui, c'est unpolissonfree.fr. Et ce qu'on entend juste derrière nous, c'est la musique totalement improbable de Alain de Philippis, qui est le dernier disque sorti au printemps dernier. Fait de multitudes de collages musicaux incroyables, soit sur bande, soit sur numérique. Beaucoup de musique de théâtre, comme celle qu'on écoute, je pense, en ce moment. Donc c'est toi qui as fait la sélection, et donc c'est un collage montage. Il y a aussi une cassette qui est sortie, qui est tout aussi formidable, avec un côté presque résidentiel. Voilà, je vous rappelle que l'émission est entièrement réécoutable, podcastable, avec ses bonus. On entendra le titre en entier de Monsieur De Philippis, et puis pas mal d'autres choses encore. Et on se termine avec un autre musicien et aussi plasticien sonore que tu apprécies beaucoup, Denis. Il s'agit de Pierre Bastien, qui sera à Rennes, ou plus exactement Ces Machines, à l'initiative de notre ami Damien et de la galerie Le Bon Accueil, avec une programmation et un vernissage d'exposition la veille de la soirée concert, donc le 4 novembre, l'exposition The Ghost in the Machine, présentée à la Villa du Parc des Tanneurs à Rennes, avec donc différentes machines dans un parc façon Villiers de l'Isle-Adam, et puis pas mal donc de machines à découvrir de différentes personnes. Donc Luc Géram, qui est un Anglais, Alexander Kolowski, autre Britannique, et Tillman Kunzel, qui est un Allemand. Voilà, donc tout ça à la Villa du Parc des Tanneurs, avec un vernissage le vendredi à partir de 18h30. Et on se quitte avec un disque, peut-être l'un de mes préférés d'ailleurs, de Pierre Bastien, un disque assez différent de d'habitude. Oui, le duo avec Lucas Simonis, Mother Goose Ram, qui est des montages sur des textes anglais prononcés à la française. C'est assez compliqué à expliquer comme concept. C'est très oulipien, voire pataphysique. Et en tout cas, le résultat est à la hauteur. Ça fait un peu comptine de la Merlois, mais passé en boucle et à la moulinette. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. Merci beaucoup pour l'invitation. Ciao. Je t'en prie, à bientôt. Thank you. Kurila, l'île d'Abimaï, Deschalotte, Vache-Duchesse, Nodiat, fille de soigner. Rose ayant accouché, et soit avalant ici. Et fille des ponts, ses propres berries, choca en cri. Oh! on aurait dit des maintenances. Elle avait des maintenances, on aurait dit des séjours. Elle avait des séjours, on aurait dit des rainettes. Elle avait des rainettes, on aurait dit des yogourts. Elle avait des yogourts, on aurait dit de l'orangea. Elle avait des yogourts, on aurait dit des tiens. Elle avait des yogourts, on aurait dit des billons. Elle avait des yogourts, on aurait dit du séguano, frais et luisant. Elle avait un bouchon à manger du séguano, frais et brillant. Elle avait des dentelées, car elle était passage. Elle avait des dentelées, elle avait tout dedans. Un coffre fort et cramoisi. Et moi, j'étais dehors, en dehors extérieur. J'avais aussi des pieds de boule et des maintenances. Pas de séjour et des yogourts pour souffrir. Et un coffre fort pour mourir. Avait-elle donc une âme? Elle avait donc une âme. Ça me démange l'estomac. Thank you.

Thank you.